Bonjour, je peux lire votre pancarte? Donc elle est marquée. Moi je suis pour Acentrale, c'est un collectif de radio associatif qui participe à la grève. Alors c'est un panneau avec un smiley pas content, il est marqué au génocide du néolibéralisme, donc non au génocide du néolibéralisme et oui à l'humanisme. Est-ce que vous voulez expliquer? Est-ce que vous voulez expliquer votre pancarte? Qu'est-ce que je veux expliquer par rapport à... En fait, voilà, il faut remettre l'humain au centre de la vie et pas l'argent, parce que pour l'instant, en ce moment, c'est l'argent qui dirige tout. Voilà. Même ceux qui en ont, ils pensent qu'ils sont libres avec cet argent, mais en fait, ils en sont esclaves et ils n'en ont pas conscience. Donc qu'on se libère tous, oui, tous. Et pour le respect de tout le monde, la dignité de l'âme, de la nature, enfin le respect de la nature, des animaux, de tout ce qui est vivant. Voilà. Votre prénom, c'est quoi ? Fabienne. Merci Fabienne, bonne manif.